Lévitique chapitre 9. Et il arriva au huitième jour, que Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d'Israël. Et il dit à Aaron, prends un veau du troupeau pour l'offrande pour le péché, et un bélier pour l'holocauste, tous deux centaures, et les amène devant l'Éternel. Et tu parleras aux enfants d'Israël, en disant, prenez un jeune bouc pour l'offrande pour le péché, un veau et un agneau, tous deux d'un an, qui soient centaures, pour l'holocauste, et un taureau et un bélier pour le sacrifice de prospérité, pour sacrifier devant l'Éternel, et un gâteau pétri à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils prirent donc les choses que Moïse avait commandées, et les amenèrent devant le tabernacle d'assignation, et toute l'assemblée s'approcha, et se tint devant l'Éternel. Et Moïse dit, faites ce que l'Éternel vous a commandé, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Et Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, et fais ton offrande pour le péché, et ton holocauste, et fais propitiation pour toi, et pour le peuple, et présente l'offrande pour le peuple, et fais propitiation pour eux, comme l'Éternel l'a commandé. Alors Aaron s'approcha de l'autel, et égorgea le veau de son offrande pour le péché. Et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il trempa son doigt dans le sang, et le mit sur les cornes de l'autel, puis il répandit le reste du sang au pied de l'autel. Mais il fit fumer sur l'autel la graisse, et les rognons, et la tête du foie de l'offrande pour le péché, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il brûla au feu la chair et la peau hors du camp. Il égorgea aussi l'holocauste, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, lequel il répandit sur l'autel tout alentour. Puis ils lui présentèrent l'holocauste coupé par pièces, et la tête, et il fit fumer ces choses-là sur l'autel. Et il lava les entrailles et les jambes, qu'il fit fumer au-dessus de l'holocauste sur l'autel. Il offrit l'offrande du peuple, il prit le bouc de l'offrande pour le péché pour le peuple, il l'égorgea, et l'offrit pour le péché, comme la première offrande. Il l'offrit en holocauste, et agit selon l'ordonnance. Ensuite il offrit l'oblation du gâteau, et il en remplit la paume de sa main, et la fit fumer sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea aussi le taureau et le bélier pour le sacrifice de prospérité, qui était pour le peuple, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, lequel il répandit sur l'autel tout alentour. Ils présentèrent les graisses du taureau et du bélier, la queue, et ce qui couvre les entrailles, et les rognons, et la tête du foie. Et ils mirent les graisses sur les poitrines, et on fit fumer les graisses sur l'autel. Et Aaron tournoya en offrande tournoyée devant l'Éternel, les poitrines et l'épaule droite, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Aaron éleva aussi ses mains vers le peuple, et les bénit, et il descendit après avoir offert l'offrande pour le péché, l'holocauste, et le sacrifice de prospérité. Moïse donc et Aaron vinrent au tabernacle d'assignation, et étant sortis ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Car le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses, ce que tout le peuple ayant vu, ils s'écrièrent de joie, et se prosternèrent le visage contre terre.